Vous écoutez La Croche-Oreille. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL qu'on retrouve sur le poste au 89.1 et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie de l'artiste sonore Léa Boudreau, qui crée des univers sonores qu'on peut qualifier de mystérieux à partir de jouets obsolètes qu'elle trouve dans les bazars, marchés aux puces, des jouets qu'elle démonte pour en manipuler les connexions électroniques et en faire surgir au gré du hasard, oui, et oui, d'une intelligente intuition, je dirais. Donc, elle en fait ressortir un monde sonore très, très singulier. C'est une artiste bricoleuse qui nous propose depuis quelques années des créations sonores qui entremêlent le calme et la tempête, l'ordre et le désordre. Elle aime beaucoup dire cela. Tout ça avec une fougue qui est assez tempérée, comme vous l'entendrez ce soir. On la retrouve autour de deux album, un premier intitulé « Chaos contrôlé », qu'on a fait jouer en émission il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, et un autre album, celui-là, créé dans l'allégresse, dit-elle, son plus récent, intitulé « Limaçon », un clin d'œil à ce petit conduit en spirale qui habite notre oreille interne. Léa Boudreau vit à Montréal. Elle se produit en performance, crée des installations et poursuit actuellement des études de maîtrise portant sur la création sonore. Léa a reçu de nombreux prix et bourses au cours des dernières années, dont le prix d'excellence Marcel Deschênes de l'Université de Montréal. Ça, c'était en 2019. Ses projets ont été diffusés à Belfast, à Melbourne, à Montréal, à Sao Paulo et à Victoriaville. Elle était là dans le cadre du dernier parcours d'installation sonore là-bas à Victoriaville dans le cadre du FIMAV. Elle faisait d'ailleurs une résidence en Autriche récemment à Autosonic pour la création d'une installation sonore interactive. Alors voilà, j'ai eu le plaisir de m'entretenir il y a quelques semaines avec elle et voilà, parole à Léa Boudreau. Léa Boudreau, bienvenue à l'émission. Très heureux de te retrouver ce matin. Merci, très heureuse d'être là également. Léa, je refais dans de grandes lignes ton parcours académique, je vais dire ça comme ça. 2014, au collège, tu fais interprétation musicale. Ensuite, toujours au collège, composition, arrangement, spécialisation. Et puis en 2019, il y a le bac en musique numérique et... En lisant tout ça, je me disais, bon, qu'est-ce qui a été décisif pour que tu passes de l'interprétation musicale à l'expérimentation sonore, à la performance, puis somme toute, à l'interdisciplinarité? Qu'est-ce qui a été le moment déclencheur de tout ça? Bonne question. Je pense que d'une certaine manière, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est créer, c'est composer de la musique. Ben, tu sais, quand j'étais enfant, j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, ce que je m'imaginais souvent quand j'écoutais un album, c'est que je jouais dans ce band-là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai réalisé ce rêve-là assez rapidement. Tu sais, j'ai étudié au cégep, je jouais du trombone, en fait. Moi, j'étais tromboniste même jusqu'à assez récemment. Là, j'ai joué avec des groupes jusqu'à il y a 2 ans. Donc, j'ai commencé à jouer du trombone au secondaire, ça a été un peu ma manière d'entrer dans le programme de musique à Lionel Groulx, jouer d'un instrument. Donc j'étais comme, bon, je vais étudier là-dedans. J'ai poursuivi vers composition, puis je le savais que c'était pas ce que je voulais faire être interprète, mais je savais pas exactement quoi. Donc un moment donné, j'ai eu connaissance que ce programme-là en musique numérique existait à l'UDM, puis j'ai fait, ah, c'est plus ça qui m'intéresse. J'étais allée voir un de leurs concerts de fin d'année, puis j'ai fait, ok, ça a l'air cool, je me suis inscrite. Puis c'est ça, en ce moment, je fais ma maîtrise plutôt en intermédia, donc c'est plus multimédia. Je fais encore du son, de la composition, évidemment, mais je fais beaucoup d'art électronique aussi, de l'installation. Puis je le vois vraiment comme un parcours naturel, dans le sens que j'ai pas le goût de me mettre des bâtons dans les roues à moi-même, j'ai le goût d'explorer, puis là, j'avais plus le goût de faire des œuvres multimédia sans me bloquer de quoi que ce soit. Ça faisait longtemps que j'avais le goût de faire de l'électronique, même si ça m'intimidait un peu, donc je me suis dit, ok, je pense que je vais juste comme essayer voir si je peux aller dans cette direction-là, puis je suis rendue là en ce moment, puis je suis vraiment contente. Oui, tout à fait. Et écoute, pour se mettre un peu dans le bain de ta création artistique, puis ta création sonore surtout, on va écouter une première pièce, c'est tirée de l'album « Chaos contrôlé ». J'ai déjà fait jouer quelques pièces là, au cours des dernières années, parce que c'est une production de 2020. On va écouter une pièce qui s'intitule « Amis imaginaires et autres incomprises », puis on poursuit ensemble notre échange. Léa, on vient d'entendre un extrait de ton album « Chaos contrôlé ». Bon, c'est un titre vraiment intéressant. Quand on lit la première fois, on a le goût de voir où ça va, tout ça. Et quand on y va de plus près, les titres évoquent surtout des préoccupations que j'appelle existentielles. Là. Bon, amis imaginaires et autres incomprises, naviguer dans le social anxiogène, rester en équilibre mentalement. Il y a quelque chose là qui est très engagé finalement dans cette proposition qui est somme toute aussi assez bon, conceptuelle sur le plan sonore. Donc, c'est, il y a comme un... on sent qu'il y a quelque chose, il y a un message qui t'anime. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu ce qu'il y a derrière ces intitulés. Oui, cet album-là, je l'ai créé... J'ai composé les trois pièces de l'album pendant ma dernière session du bac. J'étais dans le jus, là. J'avais beaucoup de choses à faire en même temps. Puis, en fait, le titre de l'album vient aussi de cette idée de... Tu sais, le matériau premier de cette pièce-là, c'est des sons qui viennent de jouets électroniques modifié ou que j'ai ouvert, j'ai joué dedans. Donc, il y a quelque chose de vraiment ludique là-dedans, vraiment imprévisible que j'aime. Et dans la composition de l'album, des pièces acousmatiques, c'est très contrôlé. Je veux dire, j'ai vraiment monté, j'ai vraiment composé chaque son. Il y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. Donc, je le voyais vraiment comme un mélange de... Il y a le moment où j'ai jammé littéralement avec les jouets pour enregistrer des heures de matériel. Puis après, il y avait un moment vraiment plus... chirurgien, tu sais, de disséquer, sélectionner, classer les sons, composer avec ça. Le titre des pièces, c'est drôle parce que c'est... Oui, c'est des préoccupations que j'avais. Bon, c'est engagé, oui, mais c'était très personnel aussi. Je pense que c'était un moment de ma vie aussi où, je finissais mon bac, puis j'étais... tu sais, pas que je me remettais en question, mais je me disais... peut-être que le mode de vie que j'ai en ce moment, c'est pas juste le mot en anglais sustainable. Là. Ça peut pas être comme ça tout le temps parce que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mes choses. Puis c'est ça, j'ai toujours vécu beaucoup d'anxiété dans ma vie. Donc je pense que c'était quelque chose que je me disais, je commençais à réaliser, je commençais à me dire il y a quelque chose qu'il faut que je fasse ici. C'est drôle, ça n'a pas vraiment rapport avec le comment la pièce se passe. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas... sauf peut-être des petits extraits comme qui viennent des jouets eux-mêmes. Mais j'imagine que c'était peut-être juste comme un message à moi-même de... Tu sais, c'est là à quelque part. Puis oui, tu es capable de faire tout ce que tu fais en même temps, mais fais attention de ne pas péter la ballonne à un moment donné. Puis bon, c'était juste avant la pandémie, après. Fait qu'après, tu sais, il y a eu aussi un gros changement, puis un petit break aussi, une remise en question qui m'a permis de repenser à tout ça, puis de gérer mieux ça. Mais c'est drôle, c'est vraiment plus personnel. Ça, comme, tu sais, ça ressort pas vraiment, je pense, quand on écoute la musique, mais c'est les titres que je leur ai donnés à cause de, c'est ça, plus l'état mental dans lequel j'étais à ce moment-là. Tout à fait. On va y revenir à cette idée d'état mental ou d'autobiographie. On va écouter une autre pièce, si tu veux. Celle-là, ça s'intitule... je l'ai traduite parce qu'elle est en anglais, mais c'est « Comment passer au travers l'anxiété sociale en trois étapes faciles ». Ça aussi, c'est tiré de « Chaos contrôlé ». Alors, ben, on écoute ça. Thank you. Léa, j'aimerais qu'on parle un peu de ta philosophie. Tu l'as un petit peu évoqué. J'aimerais qu'on parle un peu de ta philosophie de travail, tes instrumentations sonores. Bon, dans Chaos Contrôlé, tu travailles uniquement avec des sons, semble-t-il, qui proviennent du circuit bending. C'est ce qu'on peut lire dans la documentation, là. Et puis, il y a aussi cette idée du « do it yourself ». Et là, je me disais, bon, là, on ne parle pas juste de processus, il y a quelque chose de philosophique derrière tout ça. Puis j'aimerais t'entendre sur ta méthodologie, cet intérêt. Puis même le circuit bending, si tu pouvais nous en parler un peu, parce que dans le fond, c'est une expression très spécialisée. Et puis pour les auditeurs, ce serait intéressant de voir un peu de quoi il en retourne de ça, de cette expression « je fais du circuit bending ». Ah bon, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ouais. Le circuit bending, c'est une pratique qui, en fait, tu sais, qui vient... Le terme vient de Ghazala, qui a comme inventé ce terme-là dans les années 90, que lui a vraiment commencé à prendre, tu sais, des jouets électroniques pour enfants, littéralement, à les ouvrir, à modifier les circuits qui sont à l'intérieur afin de modifier les sons, d'avoir toutes sortes d'effets. Puis, ben, j'ai commencé à faire ça durant mon bac aussi. Ça m'intéressait beaucoup parce que j'aimais l'aspect électronique, mais aussi l'aspect un petit peu sans pression parce qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. Tu peux aller... En fait, ben c'est ça que je faisais. J'allais, mettons, dans des magasins de seconde main au Renaissance, je trouvais des jouets 2 piastres. Je revenais chez nous. Je les ouvrais, puis j'essayais juste, tu sais, sans savoir comment fonctionnait le circuit... J'essayais de connecter deux parties ensemble, je voyais ce que ça faisait. C'est assez rare que ça brise à tout jamais parce que c'est assez... c'est un jouet, donc c'est... Ben, c'est robuste, ça dépend. Tu sais, il faut vraiment que tu pognes la mauvaise place pour que ça brise. C'est déjà arrivé, mais bon, c'est pas grave, c'était déjà de seconde main. Donc c'est ça, pour l'album, c'est ça, comme j'ai expliqué, c'était vraiment de... un peu de jammer avec les objets enregistrés, puis d'avoir plein de matériel, puis après, plus de classer. Et quand je compose des pièces, mettons, électroacoustiques, c'est beaucoup comme ça que je fonctionne. Donc, une partie beaucoup plus d'exploration, puis de jeu. Des fois, avec un peu plus de direction. Tu sais, l'album Chaos Contrôlé, vu que c'était des jouets... Et que j'avais déjà... Et en fait, j'ai beaucoup performé aussi avec le circuit bending. J'ai fait beaucoup de performances. Donc, j'étais habituée vraiment de jouer avec les jouets. Mais j'ai d'autres pièces que j'avais... J'étais un peu plus préparée, précisément dans le sens où j'avais vraiment récolté plusieurs objets physiques. Là, je me faisais une session en studio. Quasiment plus de prise de son créative, en fait, avec ces objets-là. Que j'avais vraiment en tête pour, si on veut, imager auditivement certains sons que je voulais retrouver dans ma pièce. Donc, ouais, c'est je pense que c'est une manière assez comme traditionnelle électroacoustique de fonctionner, tu sais, d'avoir ces différentes étapes, enregistrement de son, classement et après composition. Mais pour moi, ça marche bien, puis j'aime avoir toute ma bibliothèque de sons prête. Et maintenant, je peux travailler dans ma station audio numérique puis composer avec. Et avec le circuit bending, on est aussi dans une forme, une forme peut-être actuelle ou contemporaine de l'improvisation numérique aussi, j'imagine. Ouais. Après, je pense que ça dépend. Quand je faisais la performance, il y avait toujours une partie d'improvisation. Ben, tu sais, là, je parle pour moi aussi. Je pense qu'il y a des gens qui font du circuit bending, c'est beaucoup plus improvisé. Mais moi, je sais que j'aime bien quand j'ai quand même le contrôle sur ce que je fais. Ce qui est un peu paradoxal, je pense, que vu que j'ai choisi d'utiliser des objets qui sont très imprévisibles, qui pourraient littéralement, tu sais, briser live. Mais bon, je me préparais toujours à toute éventualité. J'avais toujours un ou deux jouets de spare, au cas où un fonctionnait plus. Mais bon, j'avais mes performances qui étaient quand même assez organisées dans la forme, si on veut. Puis je fonctionnais beaucoup avec un logiciel de programmation Pure Data pour le traitement sonore en temps réel. Donc c'était assez préparer, disons, la partie improvisation, des fois, c'est ça, c'était beaucoup plus l'interaction, le jeu avec comment est-ce que le jouet va réagir aujourd'hui, est-ce qu'il a brisé, est-ce qu'il y a ça, donc c'était un peu aussi pour, c'était plus ça la partie improvisation dans mon cas, je dirais. Vous êtes à l'écoute de La Croche-Oreille, une aventure sonore à CKRL 89.1, Gaëtan Gosselin au microphone. Je m'entretiens ce soir avec la musicienne et artiste sonore Léa Boudreau qui exploite, vous l'entendez, des sons par le bidouillage de circuits électroniques et d'objets trouvés, des jouets, la plupart du temps, de seconde main, jetés au rebut ou trouvés comme ça dans les bazars. C'est une adepte, Léa, du « do it yourself » et une artiste multidisciplinaire habitée par les grands enjeux sociaux et politiques du monde contemporain. On découvre avec elle ce soir des univers sonores inspirés par des rencontres inattendues, le sort qu'on réserve à la vie animale, la vie familiale et j'en passe. Donc, restez des nôtres, je poursuis à l'instant cet entretien que m'accordait Léa Boudreau. It's learning time! Léa, tu as lancé un album tout récent, ça s'appelle Limaçon. Là aussi, le titre est très beau. Je me disais, Limaçon, c'est un peu mystérieux. Tu as lancé ça en juillet dernier. C'est un album dont le fil conducteur est encore là, très subtil, en tout cas très lié à des préoccupations. Tantôt, je disais des préoccupations existentielles, des préoccupations sociales. Et là, avant de parler de l'album dans son ensemble, j'aimerais que tu me parles d'une création qui s'intitule « Démentia ». J'ai lu un peu ce que tu racontais là-dessus, mais là, ce matin, j'aimerais t'entendre là, sur ton inspiration relativement à cette pièce-là, notamment. Mm-hmm. Démentia, c'est drôle, c'est une pièce que j'ai composée, là, ça commence à faire longtemps, en 2016. Donc, au tout début de mon bac, plusieurs des pièces sur cet album-là, je les ai composées à l'école aussi. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir pu les revisiter aussi et de les mettre sur un album. Démentia, en fait, c'est une pièce qui fait directement référence un peu aux différents stades de la maladie d'Alzheimer. Qu'à ce moment-là, mon grand-père souffrait de cette maladie-là et je l'observais vraiment en temps réel. Et l'ayant connu à différentes époques, on voit assez clairement la dégradation de l'état mental de la personne au fil du temps est assez dur émotionnellement pour la famille autour. Et j'avais le goût, c'est ça, de mettre ça en musique, en fait, de manière assez conceptuelle. En fait, les sons sont très abstraits, mais j'y suis allée plutôt avec justement différents stades de dégradation. Donc, plus la pièce avance, plus il y a les sons eux-mêmes qui se dégradent avec, beat crusher, un peu de distorsion. Il y a des répétitions qui arrivent de plus en plus. Il y a ce sentiment aussi, peut-être un peu de moment de perte de contrôle. Donc, c'est ça, c'est vraiment comme une situation que j'ai vécue, observée. C'est ça, j'avais le goût, en fait, de la mettre en musique, en fait. Léa, on va écouter cette belle pièce qui s'appelle Démentia et qui se retrouve sur ton dernier album intitulé Limaçon. Alors, on écoute ça. Thank you. Léa, quand on traverse ton dernier album, encore une fois, là, on lit les titres qui sont très évocateurs de choses très concrètes. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, on y sent là, une perspective autobiographique, à la fois à travers des états d'âme ou encore des activités que tu as menées avec des gens ou des collaborateurs. Et ma question serait peut-être d'un ordre plutôt général, mais quelles sont d'habitude ou en général tes sources d'inspiration? Quand tu amorces un projet, est-ce que c'est un élément de hasard, une rencontre? Bon, tu es dans le secteur de l'interdisciplinarité, donc est-ce qu'il y a des démarches artistiques ou encore des projets artistiques qui peuvent pour toi être déclencheurs, là, soit provenant du monde sonore ou encore du monde de l'art en général? Souvent, je pense que c'est des surprises, mais... Mais oui, je pense que les enjeux sociaux en général, ça me préoccupe, donc ça m'inspire aussi, mais j'aime aborder des enjeux comme ça d'une manière qui est pas, tu sais, accusatrice ou négative ou déprimante. Mon but, c'est pas non plus de conscientiser les gens, tu sais, je fais de l'art, puis je pense que l'art a son utilité dans, dans la totalité des choses qui existent sur Terre. Puis c'est pas nécessairement comme de convaincre quelqu'un, mais c'est de présenter, tu sais, soit une nouvelle idée ou une nouvelle manière d'aborder quelque chose. C'est difficile à dire, hein? Je pense que oui, il y a beaucoup de hasard, tu sais. Sur mon album, j'ai une pièce qui est « Quatre machines pour sauver le monde » sur Limaçon. Et j'avais un de mes amis qui était prof au primaire, et dans sa classe, il faisait des exercices avec des jeunes, assez jeunes enfants, comme 6 ans, par rapport, tu sais, peut-être à des sujets assez sérieux, puis ça m'a inspirée de, hey, est-ce que on peut comme, tu sais, faire une mini collaboration que les élèves imaginent, tu sais, que, je sais pas, des machines, j'avais le goût de faire une pièce avec des sons machinaux, mécaniques, quelque chose qui est ressorti beaucoup d'une préoccupation des jeunes, c'était l'environnement, tu sais, ce qui était super cool à observer un peu, ben, triste d'une certaine manière, ils sont tellement jeunes, mais ça a été une inspiration, tu sais, ça a été une surprise, j'avais pas nécessairement, c'était pas ça mon but au début de collaborer, tu sais, c'était une mini-collaboration avec une classe, mais tu sais, c'est arrivé, et je me suis dit, ah, crime, c'est une super bonne idée en plus de me rendre compte que les enfants souvent ont des expressions super imagées, littérales, qui étaient super inspirantes après à mettre en musique et en son. Tu sais, les sous-titres de cette pièce-là sont super longs parce que j'ai gardé leurs idées comme ils l'ont dit. Tu sais, donc ça ça finit plus, puis c'est comme dans le nom de la machine, il y a comme tous les détails de comment elle fait, ce qu'elle fait. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en général, c'est ça. J'ai certaines thématiques, certains enjeux qui me préoccupent. Je veux parler de ça dans mon art, mais il y a beaucoup de surprises, évidemment, que des fois, oh, ça pop, puis crime, ça serait cool de faire quelque chose là-dessus. Tout à fait. Écoute, on va écouter un extrait de cette pièce que tu évoques, réalisée avec des étudiants. Alors, une pièce qui s'intitule « 4 machines pour sauver le monde ». On écoute ça. Léa, pour compléter notre rencontre de ce matin, j'aimerais qu'on parle de tes projets, de ce qui est sur ta table de travail actuellement. Comment ça s'annonce dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur le plan ou de la création ou de la diff, là? Qu'est-ce qui se passe? Ou tu es en période de recherche, tout simplement? Ouais, je suis en période de recherche techniquement parce que je suis à ma maîtrise. Je suis comme dans la dernière année de ma maîtrise, donc j'ai plus de cours, mais je suis vraiment en recherche-création pour mon projet final. Dans le contexte de ma maîtrise, ça va être plus être une genre d'exposition. Mais bon, mon projet, ça va être... j'ai pas grand détail encore, mais ça va probablement être quelque chose de l'ordre de l'installation sonore, interactive, un peu inspirée par la résidence que je suis allée faire en Autriche, qui était pour développer une installation sonore interactive. C'était très court, 2 semaines, donc évidemment, j'ai pas... c'est une première version. Donc, c'est ça que je fais en ce moment. Et ouais, j'ai pas de diffusion qui s'en vienne ou de concert, si je me trompe pas. Mais oui, donc c'est vraiment un moment de création que j'aime toujours beaucoup, en fait, surtout avec l'automne qui arrive, on dirait que je suis comme, ok, là, c'est plus facile un peu de se concentrer sur la recherche, la création, parce que, j'aime collaborer, mais il y a aussi quelque chose dans le brainstorming et le processus créatif. J'aime bien me mettre dans mon cocon. Je trouve que l'automne est bon pour ça. Donc, c'est ça. À venir après l'hiver. Oui, tout à fait. Des fois, les saisons font que c'est plus riche là, de se replier sur ses obsessions ou encore ses passions. Dans ton cas, les arts en général, la perf et puis le son. Léa Boudreau, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre. C'était très, très agréable. Oui, merci à toi. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de la compositrice, créatrice sonore multidisciplinaire Léa Boudreau. Quel beau travail, dont vous retrouverez la plupart des œuvres sur les plateformes de musique en ligne. C'est sur étiquette Empreinte Digitale.